Regardez jusqu'à quel point les gens ils ont sacrifié Abdullah ibn Taymiyyah, comment il s'est sacrifié pour la da'wah, pour que la vérité parvienne aux gens. Cette scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Il dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Je traduis par le ciel aux constellations. Ça, c'est Qasam Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ses créatures. Chose que l'être humain, il ne doit pas jurer que par Allah. Il dit par Allah, il ne jure pas, il ne dit pas comme ils disent au Rasoul Adi et tout, tu vois. quand il jure sur quelque chose, il ne jure pas sur Mahalpush Billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par le ciel et constellations, et par le jour promis, et par le témoin, et dont on témoigne, périssent les gens de l'Ukhdoud. L'Ukhdoud, ça veut dire les fosses qui étaient alimentées par le feu, par Dunawas. Périssent les gens de l'Ukhdoud. Par le feu plein de combustibles, cependant qu'ils étaient assis tout autour, c'est-à-dire Dunouas et ses notables, quoi, et ses soldats. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne des louanges. Le fait qu'ils ont cru, ils n'ont rien demandé, ni argent, ni pouvoir. Ils ont seulement cru en la religion du Messie, que ça poussait Zunouas à les tuer. Regardez les criminels, subhanallah. Donc ils n'ont rien fait que de croire en Allah. Ils n'ont voulu ni pouvoir, ni argent. Et pourtant, Zunouas les a brûlés. Donc la seule haine, parce qu'ils sont rentrés dans cette religion. Parmi les 20 000, il y avait une personne qui a réussi à s'échapper. Et cette personne, elle s'appelait Daous Zouta'aban. Il a réussi à s'échapper de ces 20 000. Les soldats, ils l'ont poursuivi pour le rattraper. Mais lui, il a couru, il est rentré dans un endroit, dans une terre sablonneuse. Il y a beaucoup de sable. Et là, ils n'ont pas réussi avec leurs chevaux, ils n'ont pas réussi à l'attraper. Daous Zouta'aban, il a commencé à réfléchir comment faire pour venger la mort de ses frères, quoi. Il commence à réfléchir, puis là, il a eu une idée, c'est d'aller chez Caïsar, à Rome, dans la région de la Syrie. Caïsar, il est chrétien. Les Romains, bon, c'est des chrétiens. Et puis bon, chrétien, et puis l'autre, il a tué les chrétiens, donc il peut l'aider, ou il peut... Bon, et là, il a voyagé, il a fait le voyage jusqu'au Chem, jusqu'à trouver Caïsar de Rome, et lui a raconté l'histoire. Caïsar, les historiens disent de lui qu'il était d'une piété exemplaire, et il a été très touché par cette histoire. Il était vraiment très en colère de ce qu'a fait Dunawas à des gens qui n'ont rien fait que de rentrer dans la religion du Messie. Mais le Yémen était loin de la Syrie, quoi, de la région de Chem. Donc c'est dur d'envoyer des troupes de Chem jusqu'au Yémen pour les faire sortir du Yémen. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Daous Zouta'aban d'aller en Abyssinie. Parce qu'en Abyssinie, il y avait le Négus. Et le Négus, la religion qui était en Abyssinie, c'était la religion du christianisme. Et l'Abyssinie, elle est proche du Yémen. Entre les deux, il y a la mer Rouge. Donc c'est plus proche. Donc stratégiquement, il vaut mieux qu'ils les combattent de l'Abyssinie que de les combattre de Chem. Alors il a envoyé Daous Zouta'aban jusqu'en Abyssinie, et avec une lettre et des messagers et tout, Le Négus, pareil, il était aussi d'une... il était très pieux. Et il a reçu la lettre de Caïsar de Rome. Et il s'est mis en colère jusqu'à Fédounaouès. Et il a préparé une armée de 70 000 personnes. Une grande armée, bien armée et tout. Il a préparé les bateaux et tout pour traverser la mer Rouge. 70 000 personnes, à leur tête il y avait un homme qui s'appelait Ariad. Ils sont rentrés au Yémen, le combat il fut déclenché, et là, l'armée du Yémen elle a été mise en déroute. L'armée elle a été mise en déroute, mais Dounaouès, avec la fierté, parce que les Yéménites c'est des Arabes et tout, ils l'ont suivi, l'armée de la Bithynie, ils l'ont suivi, et lui, il n'a pas voulu se livrer. Il est rentré dans la mer avec son cheval, ils l'ont suivi, il s'est noyé. Il a préféré la noyade que ses ennemis le tuent. C'est un signe de la fierté des Arabes. Bon, la Bithynie, le Négus, il a réussi à s'approprier ou à occuper le Yémen. Et le Yémen, il est devenu de religion chrétienne. D'accord ? Le Yémen, la religion qui était vraiment majoritaire dans la région du Yémen, c'était le christianisme, puisque c'est l'Ahbash, c'est-à-dire les gens de l'Habasha, de la Bithynie, ont conquis le Yémen. Et ça, c'est la réalisation du rêve de Rabi'a ibn Nasr. On en a parlé dans le cours dernier. On a parlé dans le premier cours du rêve de Rabi'a ibn Nasr quand il a consulté les devins, il a consulté les charlatans et tout, puis ils lui ont dit que les Abyssins, ils vont conquérir ton pays. Et là, le rêve s'est réalisé. Ils lui ont dit dans 60 ou 70 ans, et son rêve s'est réalisé. Les Abyssins ont régné sur le Yémen. Et c'était Ariad qui était à la tête, qui est devenu le représentant du Négus, Najashi, le représentant du Négus au Yémen. Mais Ariad, il était très injuste envers les gens. Il tyrannisait les gens, c'est pas seulement envers les Yéménites, envers même ses soldats. Il était vraiment... il s'est gonflé d'orgueil et tout, il a commencé à opprimer les gens, à être injuste envers eux. Même, y compris son armée. Là, l'un des chefs de l'armée d'Ariad, l'un des chefs de son armée, il a fait scission avec... il a fait une scission, quoi. Il a réussi à réunir autour de lui une troupe, une partie de l'armée d'Ariad. Et il a fait, comme on appelle, coup d'état. Il a fait scission avec Ariad. Et il a déclaré la révolte contre Ariad. Alors... les deux armées, ils se sont mis face à face. Il y avait deux armées carrément. Pourquoi ils ont fait scission? Parce que Ariad, il les opprimait et tout. Puis il y avait deux armées. À la tête d'une armée, il y a Ariad, et à l'autre armée, il y a une personne qui s'appelle Abraha. Et c'est lui qui a fait cette scission. C'est lui qui a fait cette révolte. Il s'appelle Abraha. Les deux armées se sont confrontées. Et alors là, Abraha, il a demandé à Ariad de négocier. Ils ont ôté leurs armes et puis ils se sont confrontés tous les deux. Puis il lui a dit, à quoi ça sert d'exterminer nos deux armées? On va s'entretuer, on va donner l'occasion aux Yéménites de régner de nouveau. Il a dit, Ariad, il a dit, Abraha, quelle est la solution? Il a dit, on se bat tous les deux. On épargne les deux armées, on règle nos comptes tous les deux. Il a dit d'accord. Et le combat, au lieu d'être entre deux armées, il s'est transformé en combat entre deux hommes. Hein? Ariad, avec son arme, il a frappé et il a frôlé la tête de Abraha, mais il a coupé son nez. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Abraha al-Ashram. L'Ashram, c'est-à-dire dont le nez est coupé. Mais après, Abraha, il a réussi à lancer quoi, son arme et tout, et à tuer Ariad, et puis toutes les armées, les deux armées, elles se sont réunies et c'était Abraha qui a régné après. C'était lui qui est devenu la tête des armées et c'est lui qui est devenu le gouverneur, si vous voulez, du Yémen. Mais l'information, il est parvenu au Négus. Le Négus, il ne savait pas ce qui se passait. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Abraha, il a tué Ariad. Comment ça se fait que l'un de ses soldats, il tue son représentant au Yémen? Et comment ça se fait qu'il déclare une révolte et tout? Alors là, le Négus, il s'est mis en colère. Il a dit, je vais me venger. Et il a juré, il a fait un qasam, un serment, de rentrer au Yémen, de piétiner la terre du Yémen et de ne revenir que si il enlève les cheveux de Abraha, signe d'humiliation. C'est-à-dire il rentre au Yémen, il piétine la terre du Yémen et il prend Abraha et puis il rase ses cheveux parce que pour vraiment lui montrer qu'il est sous le Négus. Alors là, l'information est parvenue à Abraha, comme quoi Négus se préparait pour entrer au Yémen et tout. Il a eu peur, parce qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de grand pouvoir devant l'Abyssinie et tout. Puis lui, il appartenait à l'armée du Négus. Il a eu peur et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli un sac de sable, de terre du Yémen, et il s'est coupé les cheveux. Il a mis tout, il a envoyé un messager avec toute la marchandise. Et il l'a envoyé au Négus. Il a dit, « Ya Abraha, bararta bi qasamik. »« Ya Najashi, bararta bi qasamik. » Au Négus, vous avez tenu votre serment. Voilà la terre du Yémen, piétine là, et voilà mes cheveux en guise de soumission. Et je n'ai fait ça que parce que Ariad nous a opprimés, et moi je me dévoue à vous, et je suis votre serviteur, et tout, et parole d'éloge, etc. Le Négus s'est calmé quand il a reçu le message. Il a dit, de toute façon, à quoi ça sert d'envoyer encore des troupes et tout, puisque celui-là, Abraha, c'est mon allié, c'est mon serviteur, donc le problème, le malentendu, s'est apaisé. Mais alors, Abraha, il n'était pas encore satisfait. Il avait toujours la crainte. Il avait peur que le Négus lui fasse quelque chose. Alors, pour vraiment attirer les grâces, pour vraiment attirer les grâces du Négus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti une église, une grande église. J'ai vu dans certaines versions de la Sira qu'il a été même décoré avec le marbre du palais de la reine de Saba, l'époque de Suleyman, alayhi salam. Il a été embelli, tout, une grande église. Et puis il a envoyé au Négus, Abraha, il a envoyé une lettre au Négus, il a dit, j'ai bâti pour vous une grande église, un grand temple, il représente le christianisme, et je vais appeler les Arabes, tous les Arabes, les tribus arabes, à venir faire le pèlerinage dans cette église. Bon, la lettre, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à différentes tribus, il leur a envoyé des lettres, comme quoi vous venez faire votre pèlerinage dans cette église. Là, une personne qui fait partie de ce qu'on appelle Ahlul Nasi', les gens de Nasi'. Je vais expliquer ce que ça veut dire Nasi'. Nasi', ça veut dire retarder. Retarder. Et ces gens de Nasi', ils se nomment gens de Nasi', ils vénéraient beaucoup la Kaaba. Ils ont beaucoup de... c'est-à-dire la Kaaba dans leur cœur. On sait que la Kaaba est dans le cœur des gens. Mécréants musulmans, il a une grande place. Même à l'époque de la Jahiliya et tout, les kuffars de Quraysh, ils vénéraient beaucoup la Kaaba. Ils sont battus pour l'avoir, pour avoir l'honneur de donner à boire aux pèlerins, l'honneur de donner à manger aux pèlerins. Donc ces gens de Nasi, il vénérait beaucoup la Kaaba. Là, je vais m'arrêter, je vais ouvrir une parenthèse et après je vais revenir à ce Nasi. Je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a guidé les gens à la religion de l'islam de Ibrahim alayhi salam, parce qu'Ibrahim est musulman, de Ibrahim, après avec le temps, le savoir il fut oublié. Quand Ibrahim il a fait sa da'wah et tout, les gens sont rentrés dans leur religion de l'unicité, tawhid et tout, le savoir après le temps, tout comme à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes, et puis que le savoir il fait oublier, et qu'il y a des meneurs à l'égarement, et puis les gens commencent à faire des innovations, des bid'ahs sans base de religion. Alors là, le savoir il fait oublier par le périssement des savants, par le départ des savants, la mort des savants. Mais pourtant, les Arabes, ils ont gardé certaines traces de la religion de Ibrahim et Ismaïl. Par exemple, le tawaf autour de la Kaaba, le sa'i, l'aller-retour entre le Safa et le Marwa, al-talbiya, labbayk Allahumma labbayk, jusqu'à bon, parce que Amr, on a parlé que Amr ibn al-Luhay al-Khuza'i, il a ajouté la talbiya du shirk. Donc, parmi ces traces de la religion de Ismaïl alayhi salam, il y avait ce qu'on appelle le respect des mois sacrés. Les mois sacrés, on les connaît. On est dans un mois sacré. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram et il y a Rajab. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Parmi les mois, il y avait 4 mois qui sont sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala dit le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les purs. Dans Surat Bara. Donc, il y a 4 mois sacrés à respecter. 4 mois où il ne faut pas faire le combat. Il ne faut pas transgresser. Les péchés, ils sont multipliés durant ces mois. Ça, c'est une leçon à prendre. De même que les bonnes actes, les bonnes œuvres, la récompense, elle est multipliée. On a parlé de ça aussi. Les 2 jours de l'Hijja, que l'acte, il est très récompensé, etc. Donc, ces mois, ils sont sacrés jusqu'à maintenant. Depuis la religion d'Ibrahim, alayhi salam. 4 mois. Il ne faut pas faire le combat, il ne faut pas transgresser, c'est-à-dire il ne faut pas transgresser ces mois, il ne faut pas être injuste envers des gens, il ne faut pas déclencher le combat, les mois sacrés. Il est autorisé de se défendre, mais il n'est pas autorisé d'attaquer. Il ne faut pas attaquer comme ça à l'improviste quelqu'un, déclencher le djihad ou attaquer quelqu'un durant ces mois-ci. Et les Arabes, ils ont respecté ça. Durant les mois sacrés, ils ne font pas de combat. Sauf, les historiens, ils ont dit que que les Arabes, ils ont transgressé 5 fois. C'est ce qu'on appelle Harb al-Fujar, où ils ont attaqué durant les mois sacrés. 5 fois. La 5e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant quand il y avait la 5e, c'est-à-dire avant la prophétie. La 5e fois, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une tribu, elle s'appelle Hawazin, une tribu, elle a voulu s'attaquer aux gens de la Mecque, aux Quraishites, aux gens de Quraish. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à cette guerre. Il est autorisé de se défendre. Ça, c'est avant la révélation. Et il a dit, même dans un hadith authentique, il a dit, « Kuntu anbulu li'a'mami » C'est-à-dire, je donnais les flèches à mes oncles dans la guerre de Fujar, c'est-à-dire quand Hawazin il s'est attaqué durant le mois sacré au Quraysh. D'accord? 2 explications. Soit qu'il donnait les flèches, soit qu'il défendait ses oncles. Ça veut dire que le professeur Aslam, il était déjà préparé au combat alors qu'il avait, dans une version magique, il avait 14 ans à cette époque. C'est-à-dire, il était déjà préparé avant la révélation au combat, au jihad, à la stratégie de guerre, etc. Comme j'ai dit, les Arabes ils ne sont enseignés pas durant ces guerres, ces mois sacrés. Mais puisque les ressources des tribus, ils dépendent beaucoup des guerres. Puisque les Arabes, ils s'attaquaient et tout, chacun il prend les femmes de l'autre, il prend ses biens et tout. Donc, trois mois successifs, c'est-à-dire Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Muharram, c'est long. Pour attendre trois mois dans l'année sans combattre, sans s'attaquer à son frère, c'était le Jahiliya. Hein? L'époque de anti-islamique, l'époque de la Jahiliya. Donc, ils ne peuvent pas attendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élu un groupe de gens qui l'ont nommé Ahl al-Nasi'. C'est des gens qui vénéraient la Kaaba et ils leur ont dit, voilà, vous avez le droit de changer le mois de Muharram, vous le reportez à Safar. D'accord? Vous avez le droit de les changer. C'est-à-dire, au lieu d'attendre trois mois, ils vont attendre deux mois, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, et ça ne va plus être Muharram, ça va être Safar. Comme ça, ils auront le droit de combattre et tout. Ou de se venger parce que les guerres, ils sont tués parce qu'il y a la vengeance, c'est ce qu'on appelle Tsar. La famille de tel a tué la famille de tel et ne peut pas attendre trois mois. Donc deux mois. Les gens de Nassi, ils avaient le droit. Dire, on peut les ruiner, ils disent, voilà, ce mois-ci, le mois prochain, c'est plus Muharram, c'est Safar. Alors tous les Arabes, ils obéissent à cette législation. Statut. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنما النسيء زيادة في الكفر. Le nasi, c'est un surcroît de mécréance. Un surcroît, c'est-à-dire mécréance après mécréance. Parce que comme j'ai dit, nasi, c'est retardé, reporté. Donc eux, ils reportent. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le nasi est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane. Une année, ils le font sacré. Afin d'ajuster le mois, le nombre de mois qu'Allah a fait sacré, ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Allah, il a fait que le mois de Muharram, il soit sacré, et eux, ils le transforment en un mois profane où il est autorisé de s'entretiller. Leurs méfaits sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Nous chillouna Muharram Allah. Regardez, il légifère. Allah, il interdit quelque chose et eux, ils l'autorisent. Donc, ça, on les appelle les gens de Nasi. Revenons à notre histoire, c'est-à-dire la personne qui fait partie du groupe de Nasi. Alors, c'était un homme qui vient où la Kaaba, il a une grande place dans son cœur. Lui, quand il a entendu que Abraha, il veut transformer le pèlerinage, il veut que les Arabes fassent le pèlerinage à Al-Qulays. Il a dit, ça va pas, qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Et il est allé jusqu'au Yémen. Et il s'est infiltré comme ça, il est rentré dans Al-Qulays. Il est rentré dans Al-Qulays et il a fait ses besoins dedans. Et il a sali les murs. Les murs de ce temple sacré. Il a tout sali. Puis l'information est parvenue à Abraham. Il a dit, qui a fait ça? C'est une personne de Nassé. C'est quoi Nassé? C'est les gens qui vénéraient la Kaaba. C'est quoi le Kaaba? C'est le lieu de pèlerinage des Arabes. Là, il a conclu qu'il ne peut pas attirer les gens, qu'il ne peut, malgré la publicité qu'il peut faire, il ne peut pas attirer les gens pour faire le pèlerinage dans le Qulays, sauf s'il démolit la Kaaba. Et c'était ça sa décision. Alors là, il jura d'organiser une grande expédition contre la Mecque et détruire la Kaaba. Il leva donc une grande armée comprenant un grand éléphant. L'éléphant, il s'appelle Mahmoud. Et se dirigea vers la Mecque. Mahmoud, ça existait. Même à l'époque anti-islamique, ça existait, Mahmoud. Mohammed, il n'existe pas. On va en parler, inshallah, durant ces cours de Sirah, on va parler de Mohammed. Alors, dans sa route, se dirigea vers la Mecque et il a laissé son fils gouverner au Yémen. Dans sa route, les Arabes, bien sûr, ils ont eu la jalousie, la fierté, comment il va, la maison d'Allah, subhanallah, il va la démolir. Là, ils ont essayé de lui barrer le chemin. Dans sa route, les Arabes se sont préparés. Et puis le premier à s'être dressé contre lui, c'est une personne qui s'appelle Zonafar, mais il avait juste une petite armée. Mais malgré ça, il a voulu vraiment lui barrer le chemin. Avec cette petite armée, il n'a pas pu tenir le coup contre Abraha avec sa grande armée. Il était mis en déroute, puis il était prisonnier. Abraha l'a emprisonné et tout, et il l'a emmené avec lui, Zonafar. C'est la tête d'une tribu. De même, une autre tribu qui s'appelle une tribu de Khut'um, et à sa tête, Nufayl ibn Hubayb al-Khut'umi. Il a préparé aussi une armée, mais aussi il n'a pas pu résister. Et Nufayl ibn Hubayb aussi, Nufayl ibn Hubayb, il a été aussi pris comme prisonnier. Les deux, Zonafar et Nufayl ibn Hubayb. Alors, Abraha, il est arrivé à Taif. Taif, la tribu de Taqif. La région s'appelle Taif et la tribu s'appelle Taqif. Il n'est pas encore, c'était du nord vers la Mecque. D'accord? Alors, Taqif, la tribu de Taqif, il a eu peur. Il a dit, nous, il n'y a pas de problème entre nous et vous. Du moment que vous ne voulez pas démolir notre temple, parce qu'ils adoraient l'Eth, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytum al-Lat wal-Uzza wa manat al-Thalith al-Ukhra, dans Surat al-Najm. Al-Lat, ils adoraient ce temple. Du moment que vous ne voulez pas du mal à notre temple, on vous laisse passer, sans problème. Et pour vraiment montrer notre allégeance et notre respect, on va envoyer quelqu'un avec vous pour vous montrer le chemin, un guide. Et un homme s'est mis volontaire. Cet homme, il s'appelle Dhurughal. C'est une personne de la tribu de Taqif. Il a dit, moi je vais vous montrer le chemin de la Mecque. Dhurughal, dans le trajet, c'est-à-dire entre le Taif et la Mecque, Dhurughal est mort dans le trajet. Il est mort et il a été enterré dans la route. Et sa tombe, elle est devenue un milieu de lapidation par les Arabes à l'époque de l'anti-islam. Pourquoi? Parce que c'est un traître. Un lieu de lapidation. Jusqu'à maintenant, on dit de quelqu'un traître, on dit de Rogal. Les Arabes, pas la région du Maghreb, mais Arabie Saoudite et tout, quand quelqu'un est traître, ils disent de Rogal. De Rogal. Signe de trahison, pourquoi il a montré aux ennemis de la Kaaba, il leur a montré la Kaaba. Alors, arrivé à la bordure de la Mecque, les gens de la Mecque, ils laissaient leurs troupeaux, leur bétail, paître aux bordures de la Mecque. Là, les soldats du Négus, ils se sont appropriés le bétail. Le bétail était à la bordure et tout, ils l'ont pris. Ils ont pris le bétail, et parmi ce bétail, il y avait 200 chameaux qui appartenaient à Abd al-Muttalib. Et c'était Abd al-Muttalib qui était le chef incontesté de la Mecque. Là, les informations sont parvenues aux habitants de la Mecque, et Abd al-Muttalib, il a envoyé pour voir Abraha. Et là, Abraha, il a refusé, de toute façon, Abraha, il a refusé de parler à un arabe de la Mecque. Là, Abd al-Muttalib, commence à chercher un moyen pour voir Abraha. Et il est allé voir Dhurughal, le prisonnier. Il lui dit, est-ce qu'il y a un moyen de voir cette personne? Dhurughal, c'était un arabe, Abd al-Muttalib, arabe. Il a dit, est-ce qu'il y a moyen de voir Abraha l'Abyssin? Il a dit, je ne peux pas faire l'intermédiaire, mais durant le trajet, durant ce voyage du Yémen jusqu'à la Mecque, entre Donatar et la personne responsable de l'éléphant, il y avait une sympathie, quoi, une compagnie durant ce trajet-là, durant cette expédition. Bon, il s'est tissé une bonne amitié entre Donatar et la personne responsable de l'éléphant. La personne responsable de l'éléphant, elle est très respectée dans l'armée et tout. Et il s'appelle Onéis. Et Donatar, il a dit, je vais parler à Onéis, c'est lui qui va faire faciliter le pour parler entre le chef de la Mecque et le chef du Yémen. Alors là, Onéis, il a fait l'intermédiaire, Abraha, il a accepté, et Abdelmattalib est rentré. Abdelmattalib, il est rentré pour voir Abraha. Et Abdelmattalib, il avait ce qu'on appelle maintenant un charisme, et il est très charmant. C'est-à-dire toute personne qui le voyait, il le respectait. Il avait